Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Pour le temps des fêtes, Salaison Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien. 418-679-1605. Il a signé un nouveau contrat avec les Alouettes de Montréal. Quoi qu'il en soit, ben, il n'y a pas eu de saison cette année, mais c'est le fait qu'il va signer un nouveau contrat, ben, c'est quand même de bon augure pour la prochaine année. C'est David Ménard des Alouettes de Montréal. On lui parle, David? Salut, ça va bien? Ça va bien. David, c'est quand même une bonne nouvelle que tu as eue juste avant la période des fêtes, même avec cette année de merde qu'on a eue. De signer une nouvelle entente avec les Alouettes, c'est signe que, de un, on a encore confiance à toi, et de deux, qu'il risque d'y avoir une saison au moins cette année. Oui, ben dans les deux cas, comme tu dis, c'est deux choses qui sont deux positifs. Là, on va prendre tout le positif qu'on peut trouver dans la situation actuelle. T'sais, comme tu l'as dit, l'année a été difficile, donc de voir que comme tu viens de le mentionner, là, l'équipe me fait encore confiance, c'est bien, puis... C'est sûr qu'eux se préparent pour avoir une saison. Bon, est-ce que ça veut dire on peut se prendre ça pour du cash? Non. Mais c'est quand même mieux que... c'est quand même un bon début. Ah, effectivement, écoute, c'est un bon début. Comment t'as passé cette année? C'était très difficile. C'est avec toi, j'avais fait une entrevue, je pense, cet été. Tu disais, on va commencer à regarder. Tu sais, il n'y avait pas de nouvelles. Puis tu n'étais pas nécessairement content. Et avec raison... Randy Ambrose vous a tenu vraiment dans le noir. Comment t'as passé ça à cette conversation? Là? Il a fallu que tu trouves, j'imagine, un travail, parce que la PCU, c'est bien beau, là, mais c'est pas assez pour vivre. Comment t'as vécu ça? Ben, c'est ça. Il a fallu que je me trouve un emploi. Puis, tu sais, c'est sûr que je m'entraînais. Je me souviens pas exactement quand on s'est parlé, mais tu sais, moi, au mois de juillet, bon, c'est ça. Ben, j'ai continué de m'entraîner fort quand même jusqu'à l'annonce. Jusqu'à l'annonce de l'annulation de la saison. Fait que je travaillais sur ma forme physique pour être sûr que si jamais on se fasse donner le go, ben que je puisse être prêt. Mais bon, quand on s'est fait dire que c'était annulé pour de bon, ben il a fallu que je me revire de bord, comme on dit, que je me trouve un emploi comme n'importe qui, puis que j'essaye de tourner ça en positif un peu. Là. Est-ce que c'est difficile de garder le focus quand que tu ne sais pas vraiment? Là, tu sais, c'est passé un an. Cette année, bon, tu as signé un contrat. Est-ce qu'il va y avoir une saison? Est-ce qu'on veut à tout le moins faire une saison? Là, mais c'est-tu difficile de s'entraîner malgré tout? Là, je me dis que oui, hein? Oui, ben c'est sûr. Écoute, c'est ça commence à faire long comme saison morte. Ouais. Là. C'est une saison morte de 12 mois, ça fait long, mais bon, regarde, on n'a pas vraiment le choix. Là. C'est mieux de garder la forme le mieux qu'on peut que de rien faire puis de dépérir un peu, si je peux dire. Puis après ça, arriver à 3-4 mois avant la saison, puis d'essayer de se remettre en forme là. Donc oui, c'est sûr que côté motivation, c'est pas facile. C'est surtout avec toutes les nouvelles qu'on entend ici et là, c'est vraiment pas quelque chose de facile, mais tu sais, moi je suis quelqu'un qui est quand même résilient, puis je veux jouer encore au football. Donc c'est sûr que même si c'est pas facile, je me retrouve sur les manches, puis je trouve le moyen de m'entraîner puis de me préparer. Là. Est-ce que t'as parlé à plusieurs de tes coéquipiers, ils sont pris pas mal dans le même bateau, hein? Ben oui, on est tous dans le même bateau. Il n'y en a pas un qui a une exception. OK. David, si on parlait un peu maintenant de ta saison morte, tu as travaillé, tu t'es entraîné. Là, est-ce qu'il va y avoir un pré-camp de printemps, étant donné que étant donné que je parlais à Luc Brodeur-Jourdain cette semaine, puis il y a quelques semaines, quand il a été nommé, puis il me disait, on ne les suit pas beaucoup. Est-ce que vous avez un suivi du côté de l'entraînement avec le personnel d'entraîneur? Aucunement. Aucunement? Okay. Aucunement, mais écoute, en ce moment, c'est trop moi qui s'entraîne dans le commun des mortels en ce moment, mettons, au Québec, là, c'est pas une situation qui est facile, là, fait que c'est quand même qui nous donne un suivi, là. La situation est tellement pas facile, là. Je pense que c'est un peu, c'est un genre de free-for-all, là, les gars qui ont accès à de l'équipement. Moi, je suis chanceux, en ce moment, j'ai accès à de l'équipement un peu, donc je peux me tenir en forme, mais tu sais, c'est pas la réalité de tout le monde. Vous autres, vous travaillez beaucoup avec les gyms. Fait que c'est pas facile, là. Il n'y a rien de sport. C'est très santé, là, le sport, là, les gyms. Là. Pourtant, c'est pas être une crise sanitaire. Ça. C'est une autre affaire, mais ça, on n'embarquera pas là-dedans. Mais est-ce que tu as entendu parler peut-être d'un pré-camp en Floride? T'sais, ça avait déjà été. Par les années passées, les Alouettes ont déjà tenu ça. Je me disais peut-être qu'avec la saison, il n'y a pas eu de saison. Peut-être réunir un pré-camp de printemps. Est-ce que c'est dans les cartons? Tu sais pas. Ben ça, les OTAs à l'automne, je pense que ça diminue un petit peu à travers la CFL. Là. Puis de toute façon, souvent, ça, dans les dernières années, c'était beaucoup des passing camps. Fait que c'était beaucoup carrière, receveur, DB. Fait que je pense pas que moi ça m'implique. Puis anyway, dans la situation actuelle, là, quand même qu'il y ait des OTAs cette année, là, je pense que non, en fait, je pense qu'il n'y en aura pas. Okay. Je serais vraiment, vraiment surpris d'en voir. Ben David, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est pas facile déjà d'avoir signé un contrat. Au moins, c'est positif avec les Alouettes. On ne sait pas s'il va y avoir encore une saison avec tout ce qui se passe, mais au moins, le fait qu'on t'a signé ce contrat, ça, c'est signe que tu figures dans les plans des Alouettes. On va le prendre. Oui. David Ménard, des Alouettes de Montréal.